parler, c'est long. Sans toi à mes côtés, c'est long. Une vie a commencé, une vie a terminé. C'est con, on a eu juste le temps de s'aimer. Je vis de tes pensées, c'est bon. Tu vis dans mes pensées, allons bon. Une vie à ramasser, ce que tu m'as laissé, c'est bon, on a eu juste le temps de s'aimer. A laissé tout con. On s'est rassemblé tout con. On a tous pleuré, on a même chanté qu'on a juste eu le temps de t'aimer. C'est con, on a juste eu le temps de t'aimer. C'est con, on a juste eu.